الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on continue la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi رحمه الله et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué trois hadiths, le hadith 177, 178 et 179, qui nous récite le premier hadith, hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Fadalak. Anas ibn Malik, an-haydin iman islamikin, an-zama an-hum, qala, as-sahamna ma'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ثم قام إلى صلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 54 آيات. قال: قال نحو نعم تفضل قدر 54 آيات. نعم أحسنت، بارك الله فيك. Le hadith de Aïcha et de Umm Salama, qui nous le récite, qui l'a appris. Al-Wata ? Man hafidha ? On a dit que celui qui ne connaît pas les hadiths, on ne fait pas le charh. Na'an, tfadal. ويصوم ثم يغتسل ويصوم. أحسنت، بارك الله فيك. إيه لو داني حديث، الحديث أبو هريرة رضي الله عنه كي لا بخي تفضل. من نسي وهو صائم، نعم، فأكل أو سلم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله وسقاه، بارك الله فيك. La semaine prochaine, il faudra apprendre, les frères. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثمانون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أهلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود. رواه البخاري ومسلم. Le 180e hadith, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit, alors que nous étions assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et a dit, ô envoyé d'Allah, je cours à ma perte. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui a causé ta perte? Ou, dans une autre version, qu'as-tu ? Il a répondu, j'ai eu un rapport avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne. Et dans une version, j'ai eu un rapport avec ma famille, avec mon épouse pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu un esclave à affranchir ? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs ? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? Il a répondu non. Puis, Abu Huraira radiallahu anhu a dit, فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Alors que nous étions dans cette situation, l'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est le questionneur ? Il a répondu, c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends cela et donne-le en aumône. Et cet homme a dit, A'ala afqara minni ya Rasulallah, vais-je le donner à plus pauvre que moi ? Autrement dit, qu'il n'y a pas plus pauvre que lui à Médine. Vais-je le donner à une personne plus pauvre que moi ou envoyé d'Allah ? Puis il a dit par Allah, il n'y a pas entre eux بين لا بتيها. On va expliquer ce que signifie la batayha en parlant de deux endroits qui comportent des rochers noirs. Et Médine était entre deux endroits comportant des pierres noires et ceci d'est en ouest. D'est en ouest. Donc Médine était entre deux endroits qui avaient cette caractéristique. Et cet homme a dit par Allah, il n'y a pas entre ces deux endroits où il y a des pierres noires de famille ou de maison plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri jusqu'à montrer ses canines sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, At'imhu ahlak, donne-le alors à ta famille. Al-gharib. بينما ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية ثانيا بعرق العرق بفتحتين هو الزنبيل يعمل من سعف النخل وقدروها هنا بما يسع 15 صاعا اللابة هي الحرة وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية المكتل القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخل. Les termes qui méritent explication. بينما qui est un pronom qui montre qui est un pronom temporel qui est souvent associé à une phrase ismiya, c'est-à-dire qui ne comporte pas de verbe, mais c'est une phrase, je ne sais pas comment on dit en français, nominale. Donc ici, Bainama, c'est-à-dire au moment où nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on parle du temps. Bi'araq, lorsque l'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-araq. Al-araq, ici, bi-fathatayn, donc une fatha sur le ayn et sur le ra. C'est az-zinbil. Et az-zinbil en arabe, c'est le couffin. Un couffin qui est fabriqué de branches ou de palmes. De palmes, donc qui est la feuille du palmier. Et ici, cette quantité a été estimée à 15 sa'a. Donc la quantité de dattes qui était présente dans ce panier ou ce couffin était de 15 sa'a. Al-labah, cité dans le hadith, ma bayna labatayha, C'est une terre qui est recouverte de pierres noires. Et Médine était entre deux, ou est entre deux endroits de ce type, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Al-Miktal, qui est un synonyme de Al-Araq, qui est un panier ou un couffin fait de palmes, et c'est un récipient. Wahiya qafasun, c'est-à-dire un récipient min waraqin nakhl, qui est fait ou confectionné de feuilles de palmier. Al-ma'na al-ijmali. Ja'a Salamah ibn Sakhr al-Bayadi إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت فقال له ما أهلكك قال إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك قال لا قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض قال فهل تجد طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره قال لا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل؟ فقال أنا فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس فقال أأتصدق به على أفقر مني يا رسول الله ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله ثم أذن له بإنفاقه على أهله فصلوات الله وسلامه عليه. Le sens général de ce hadith. Salam ibn Sakhr al-Bayadi, radiyallahu anhu. Donc cet homme, son nom était Salam ibn Sakhr al-Bayadi, comme cela est cité dans d'autres versions de ce hadith. Donc ici, l'imam ou al-Sheikh al-Bassam, rahimahullah, lorsqu'il cite le sens général du hadith, souvent il apporte des informations supplémentaires qui sont tirés et puisés des autres versions de ce hadith, que ce soit des versions rapportées par Al-Bukhari ou Muslim ou par les autres rapporteurs de hadith, entre autres Ahlus Sunan. Donc ici, Salam ibn Sakhr al-Bayadi est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam apeuré. Il lui a dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai causé ma perte. Le prophète Hassan lui a dit, qu'est-ce qui a causé ta perte? Il a dit, j'ai eu un rapport avec ma femme alors que j'étais jeûneur la journée du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Il lui a dit, as-tu un esclave que tu pourrais affranchir en guise d'expiation pour ce que tu viens de commettre? Il a répondu non. Le prophète sallam lui a dit, as-tu la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Et ce qui m'a fait plonger dans cela n'est autre que le jeûne. Ce qui m'a amené à tomber dans cette catastrophe, c'est le jeûne. Donc si, autrement dit, si le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, il n'a pas où il a eu un rapport avec son épouse, que dire alors si, en guise de compensation, il devait jeûner, non pas un mois, mais deux mois consécutifs. Et Cheikh al-Bassam dit « لِأَنَّ بِهِ شَبَقَ » car il a un shabaq qui signifie en langue arabe une forme de d'hypersexualité. Donc une personne qui ressent toujours le besoin d'avoir des rapports avec son épouse de telle sorte qu'il peut très difficilement s'en abstenir, et ceci est une forme de maladie. Ceci est une forme de maladie. Wa huwa naw'u marad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, as-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Et tu donnerais à chaque pauvre un moud d'orge ou autre? Il a répondu non. Comment est-ce qu'on déduit le moud? Ici, Cheikh al-Bassam dit, et donner un moud à chaque pauvre. Les savants l'ont déduit de l'araq qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dates. Al-Araq, qui a été estimé à 15 sa'a. 15 sa'a, c'est combien de moud? 4 moud. 15 fois 4, ça fait 60. Et le prophète sallam lui a donné pour qu'il nourrisse combien de pauvres? 60 pauvres. Donc si on fait 60 divisé par 60, ça fait un moud. Donc la kafara pour celui qui a eu un rapport avec son épouse et qui n'a pas un esclave à affranchir et qui ne peut pas jeûner deux mois consécutifs, eh bien il doit donner un moud à 60 pauvres, un moud pour chaque pauvre multiplié par 60. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors tu et il est resté ainsi. Et c'est alors qu'un des compagnons, et ceci de par leur habitude, radiyallahu anhum, un des compagnons est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a apporté un panier de dattes qui était équivalent à 15 sa'a, afin de le donner en aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est le questionneur? Il a répondu, c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends ces dattes et donne-les en aumône afin qu'elle soit une expiation de par ce que tu as commis comme péché. Et l'homme qui au début est venu apeuré et perplexe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait trouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sécurité et la sérénité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Il ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commis un grand péché, etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas fait de réprimande. Ainsi, ce compagnon, radiyallahu anhu, a trouvé une certaine sérénité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a profité de cela, ou il a utilisé cela pour bénéficier des bienfaits d'Allah, azza wa jal, à travers la plus miséricorde à travers la personne qui a le plus de miséricorde envers les gens, qui est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Cet homme a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vais-je donner en aumône à une personne plus pauvre que moi, ô envoyé d'Allah? Puis il a juré qu'il n'y a pas à Médine plus pauvre que lui, car il connaissait très bien sa situation extrêmement difficile. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de la situation de cet homme qui, au début, est venu apeuré et repart apaisé. En plus du fait qu'il est apaisé, il a de quoi nourrir sa famille. Puis le prophète sallam lui a autorisé de donner en aumône ses dates aux membres de sa famille. Fassalawatullahi wa salamuhu alayhi. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, عليه السلام. اختلاف العلماء. يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، واختلفوا في الناس، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة، واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب، فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنها على التخيير، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وأوجب تخييره. وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعا، ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح. واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد، سكت ولم يبرئ ذمته منها. والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من أنها لا تسقط بالإعسار. أما الترخيص له في إطعامه أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله. La divergence des savants. La majeure partie des savants considère l'obligation de l'expiation pour celui qui a eu un rapport volontaire, c'est-à-dire pendant la journée du Ramadan. Et ils ont divergé sur celui qui a oublié, celui qui a eu un rapport avec son épouse la journée du Ramadan par oubli. Et c'est un khilaf que l'on a vu la semaine dernière, et on avait vu que Cheikh Al-Bassam il considère que l'avis le plus proche des preuves est que il n'a pas de kafara, que celui qui a eu un rapport avec son épouse par oubli, qu'il n'a pas de kafara comme celui qui a mangé ou qui a bu par oubli. Le jugement est le même. وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة. Et nous avons vu précédemment que l'authentique est qu'il n'a pas d'expiation. Et ils ont divergé, c'est-à-dire les savants, sur l'obligation de cette expiation. Est-elle à la takhir ou à la tartib ? C'est-à-dire, l'expiation est de trois natures. Affranchir un esclave, jeûner 2 mois consécutifs et nourrir 60 pauvres. Est-ce que ces expiations, l'on doit les faire en ayant le choix, c'est-à-dire on a le choix de faire l'une des trois, ou l'on doit suivre l'ordre ? Et que la première chose à faire est d'affranchir un esclave. Si on n'a pas d'esclave, de jeûner 2 mois consécutifs. Si on n'a pas la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs, alors de nourrir 60 pauvres. Donc il y a 2 façons de comprendre ces expiations. Soit l'on a le choix de faire l'une d'entre elles, ou l'on doit respecter l'ordre cité dans ce hadith. Les savants ont divergé. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmed considèrent, et Al-Imam Ahmed dans une de ces 2 versions, considèrent que l'expiation, la personne a le choix de choisir l'expiation qu'il souhaite. Car il est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Huraira, qu'un homme a rompu son jeûne pendant la journée du Ramadan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'expiation de son péché par l'affranchissement d'un esclave ou le jeûne de 2 mois consécutifs ou le fait de nourrir 60 pauvres. Et que ici, on comprend de ce hadith que la personne a le choix. Et la majeure partie des savants, la plupart des savants, comme l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmad, c'est également l'avis de l'imam al-Thawri et de l'imam al-Awza'i, que ces expiations doivent être accomplies en suivant un ordre bien précis. Et ils ont pour preuve le hadith que l'on explique actuellement. Et ils ont considéré que le hadith d'Abu Huraira cité précédemment, qui prouve que la personne peut choisir l'expiation qu'elle souhaite, ils ont considéré que ce hadith est global. Et que le hadith qui explique ou qui dont on comprend le comment dire at-tartib, comment traduire at-tartib, l'ordre, dont on comprend l'ordre dans le hadith ici d'Abu Huraira que l'on explique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a d'abord demandé s'il avait un esclave à franchir. Il a dit non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu la possibilité de jeûner 2 mois? Il a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé le troisième choix. Donc on comprend clairement du hadith que l'on explique actuellement qu'il y a un ordre bien précis et que l'on ne peut passer à la deuxième expiation que si on n'a pas la possibilité de faire celle qui la précède. Donc la majorité des savants ont considéré que le hadith dans lequel on comprend le choix est général et qu'il est vu et qu'il a été spécifié par le hadith qu'on explique actuellement dans lequel on comprend l'ordre. Et les savants ont dit que c'est à travers cette compréhension que l'on rassemble les deux hadiths. Car si l'on avait opté pour le choix, l'on n'aurait pas pu mettre en pratique le hadith où il y a l'ordre à respecter. Or, lorsque l'on considère que c'est l'ordre qu'il faut respecter, est-ce que l'on nie le choix? Est-ce que l'on met de côté l'autre hadith ou est-ce qu'on le met, on le considère et on le prend en considération? On le prend en considération. Pourquoi? Car si je dis tu as le choix de faire l'un des trois, est-ce qu'il y a la notion d'ordre? Oui ou non? Est-ce qu'il y a la notion d'ordre à respecter? Lorsque je te donne le choix, il n'y a plus d'ordre à respecter. Mais lorsque je te dis, tu dois respecter cet ordre d'affranchir un esclave, si tu ne peux pas, de jeûner 2 mois consécutifs, si tu ne peux pas, de nourrir 60 pauvres. Ici, il y a la notion d'ordre, mais il y a aussi la notion de choix, car tu as le choix entre 3 formes d'expiation à partir du moment où tu ne peux pas faire la première, tu fais la deuxième. Si tu ne peux pas faire la deuxième, tu fais la troisième. Et les savants disent que c'est cet avis qui permet de rassembler les deux hadiths qui sont tous deux authentiques et les deux sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Les savants ont divergé également sur l'expiation. Est-ce que l'expiation peut être, est-ce que l'on peut être exempté de l'expiation lorsque l'on n'a pas la possibilité de la faire? Et c'est l'avis de l'imam Ahmed et un des avis de l'imam Al-Shafi'i. Pourquoi est-ce qu'ils disent que celui qui n'a pas la possibilité de faire l'expiation, que celle-ci est exempte pour lui, qu'il en est exempte? Ils disent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à cet homme de donner ses dates à sa famille. Et si c'était une expiation, il n'aurait pas eu le droit de le faire. Et la majeure partie des savants, Jumhur ul-Ulama, considère que l'expiation, on n'en est pas exempt en cas de pauvreté ou de difficulté, car rien ne vient prouver cela dans le hadith. Plus encore, ce qui apparaît du hadith, c'est que cet homme n'a pas été exempt de l'expiation. Pourquoi ? Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné cet homme sur la plus petite ou le plus petit degré d'expiation qui est de nourrir 60 pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé : as-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? L'homme a répondu : non. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce qu'il lui a dit : tu es exempt ? Il s'est tué sallallahu alayhi wa sallam. Fasakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit qu'il était exempt de l'expiation. Mais il s'est contenté, sallallahu alayhi wa sallam, de se taire. Et ajouté à cela, il y a comme preuve également qui prouve que l'expiation, on n'en est pas exempt par la pauvreté ou par la difficulté, c'est l'analogie. L'analogie avec les autres expiations et entre autres également l'analogie avec les dettes. Est-ce qu'en islam, celui qui n'a pas les moyens de rembourser ses dettes, est-ce qu'il est exempt de ses dettes ? Non. Tu es endetté de 50 000 euros. Tu n'as pas les moyens de rembourser cette somme. Est-ce qu'on vient, on te dit c'est bon ? Tu n'as pas les moyens, donc alhamdoulilah, la page est blanche pour toi. Non. Donc, malgré la difficulté, la dette reste sur ses épaules. Eh bien, il en est de même pour les expiations. Même si tu n'as pas la possibilité de la faire, ça reste une expiation à accomplir de ta part. Et quant à l'autorisation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme pour nourrir sa famille. Les savants ont dit que lorsque une tierce personne vient donner une expiation pour toi, tu as le droit de l'utiliser et de la donner à ta famille. Lorsque l'on vient apporter une expiation, c'est-à-dire que toi, tu as une expiation à faire, mais cette expiation, tu ne la sors pas de tes biens, tu ne la donnes pas de tes biens, mais c'est une tierce personne qui est venue t'apporter ce avec quoi tu vas expier ton péché. Là, les savants disent, dans ce cas bien précis, lorsque c'est une tierce personne qui t'apporte ce avec quoi tu vas expier ton péché, dans ce cas, tu as le droit d'en jouir et tu as le droit d'en faire profiter également ta famille. Est-ce que c'est clair ? Donc on continuera, inshallah ta'ala, la semaine prochaine en citant les jugements que l'on retient de ce hadith. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.